Ouais c'est nous, tu croises à l'épicerie, tu croises pas loin de la gare. Petit filou, tu l'as échappé belle, c'est one shop en tragal. Et en ce moment, y'a de la promo à mort, y'a des masses et des gos. À cause mon ex, mes putes m'ont remonté, mais pas grave, j'ai la cote. J'te plus 10 pièces, on va la moitié. Même si j't'avance, j'peux tout arranger. Elle bronze un max, elle bronze un max, elle veut me montrer son décolleté. Hey, j'prends ma conce à la casse, j'ai une villa pas loin de Fréjus. Foncez sur la péniche, mais quand on tire, on fait mouche. Ta coulée, ça cache la plaque. Fais pas le voyant, à showcase tu rejoins du pack. De 1, pas les couilles de faire à l'instar de 2. Pas les couilles de faire des streams de 3. Je veux 2-3 RS 4 ou 5. Et un peu pour un ou un 6. J'suis trop rapide comme c'est R7. J'fais le signe là j'suis dans l'air 8. Passe mon temps, tu glisses comme R9. Et comme Ronnie, j'suis numéro 10. Si j'suis en le 11, tu peux ranger ton 12. Comme Zizou, j'viens du 13. Faut que tu te pousses, on est bouillant comme la braise. A7, fond 7, j'rentre pété. En Christian Giuseppe, tout baiser c'est mon métier. Parc des Princes, Vélodrome, on a le double des clés. Baisser les cagoules, allumer le moteur, chercher les machins. Le son des mahboules qui s'en battent les couilles, qui braquent le casin. Pas la peine de faire le fou ici, on sait que fait les trucs. J'ai fait la suite, moi j'ai jamais fait d'études. Avec le temps les gens ils changent, ouais les gens ils font les putes. Tu l'envoies la balle, c'est pas là que devant le but. Ouais, tu pétas, là j'suis pété. J'suis sous pétard, j'vais tourner dans le sud tout l'été. Rabat, j'ai le bob sur la tête. J'me coupe un bloc sur la quête. Jamais j'oublierai la tête. Premier condé qui m'a fait. Envie mettre sur l'arc de triomphe. Rapta sur la cannebière. Y'a des gros moteurs qui ronflent. De la banlieue à la bonne mère. Envie mettre sur l'arc de triomphe. Rapta sur la cannebière. Y'a des gros moteurs qui ronflent. De la banlieue à la bonne mère. Moi, tu peux t'imposer dans un GT3. Poto, hier j'ai des seuls. J'ai fini dans un sale état. Squadra Azzurra. Que la bûche est la pourra. Multirécidiviste, spruncha dans le 4-4, demi-tour devant les bleus, campeone del mundo, sirop crème berry, Hermès, côté maroquinerie, disquette platinium, full set aluminium, vers la sacoupe à la lactose, baby plus rien n'est gratos, font la 116-710, et 2-3 guitares électriques, lunettes tête dans la loge, madafuck. Ils ont pas un, ça les énerve la vérité, faudra plus que son palin, si un des gars se fait short. J'ai un doula, c'est mérité. Cette bitch est le câlin, je fais pour voir son fessé. Doré de platine, faut que partout ça éclate. De la pomme tartine dans deux piétines, ouais ça t'éclate. Sur le pécule des palos, et en cellule je suis rabat. Malgré les chats n'aiment pas l'eau, pourtant j'ai fait mouiller des. Envoie ta peau sur Snapchat. Tu veux faire comme nous, essaye, essaye, essaye. Tu connais nos villes, Paris, Marseille, essaye, essaye. On les côtoie pas, c'est que des bouffons. Flop en bande organisée. Hey yo, sur le tarot on t'arrache. Mais si tu prends bon on t'arrange. Goutte de sueur perlée sur le front. Entre le boulot et le madams. Petrushka, Zumba, Caféo. Connu jusqu'à Santa Feo. Yo, moi j'rappe pour tout le monde. Couscous m'a fait figater. Comme une plaque 13 sous la tour Eiffel. Ou 93 sur la canne bière. Ça fait des 100 clubs, mais les clubs ferment. J'pense rejobé, TP la semaine. Lean back. Et j'danse comme Bobby devant le bat. Et j'danse comme Bobby devant le bat. Et je cavale sec quand je vois la bac. Lean back. Et j'danse comme Bobby devant le bat. Et j'danse comme Bobby devant le bat. Et je cavale sec quand je vois la bac. Tu mets sur l'arc de triomphe. Rapta sur la canne bière. Y'a des gros moteurs qui ronflent. De la banlieue à la bonne mère. En fumette sur l'arc de triomphe. Rapta sur la canne bière. Y'a des gros moteurs qui ronflent. De la banlieue à la bonne mère. Dans un GT3, poto, hier j'étais seul, j'ai fini dans un sale état. T'as des armes de guerre et des flingues tout neufs, j'ai les mêmes en mieux. Si tu m'aimes, tant mieux, si tu m'aimes pas, tant mieux. Millionnaire, 5 pour la mif, 5 pour la guerre. On a peur de R, on va te niquer ta mère à la carte. C'est le classico, la pure pour les toxicos. Les armes d'aide de Mexico. Le game, on lui casse les coques, c'est la faute du Corsico. Pipi, buzz bar poussant si. Dis-leur qu'on est là, j'suis pas pressé. C'est nous la cité dans RS6. Dans RS6, c'est nous qu'est-ce tu sais. Numéro 10, Maradona 6. Arrache la piste, non, tu sais, c'est tout. L'avant-galerie, dep, dep. Et le moteur, pète, pète. Côté passager, mon pote, c'est plus mon moteur. moins jolie, elle c'est trop mago. Elle calcule même pas mon buzz, elle me dit reste pas trop dans le bendo. Je vais passer l'hiver aux Caraïbes, un gros jetpack avec le bédo. Là tu crois que j'ai un genou, hein, mais je conduis du genou. Je veux la chauffe par hérisson et le moteur qui fait vroom vroom. Sur l'Arc de Triomphe, rapta sur la Canebière. Y'a des gros moteurs qui ronflent, de la banlieue à la bonne mère. En fumette sur l'Arc de Triomphe, rapta sur la Canebière. Y'a des gros moteurs qui ronflent, de la banlieue à la bonne mère. Avant de choper ta posé dans un GT3, poteau hier j'étais seul, j'ai fini dans un sale état. Avec moi de choper ta posé dans un GT3, poteau hier j'étais seul, j'ai fini dans un sale état.